إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشهر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Le chapitre de ce qui nécessite les grandes ablutions et la manière et la modalité de les faire. Nous traiterons aujourd'hui, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, seulement de ce qui nécessite les grandes ablutions et, Inch'Allah, nous expliquerons la semaine prochaine la manière de faire les grandes ablutions en détail, Inch'Allah, car il y a beaucoup de choses à dire. L'auteur du livre dit « Le lavage rituel majeur ou les grandes ablutions sont obligatoires pour celui qui est en état de janaba, c'est-à-dire en état d'impureté rituelle majeure. » Al-janaba, c'est un terme qui vient de l'mujanaba. Ou al-mujanaba, ça veut dire le fait d'être loin et le fait de s'éloigner aussi, ou d'éloigner quelque chose. Voilà pourquoi Allah dit « Tabaraka wa ta'ala » فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ. On parle de la sœur de Moussa. Elle a vu son frère de loin. Junub, le terme utilisé ici, c'est Junub. C'est le même terme qu'on utilise dans ce chapitre-là. Pour dire qu'en fait, qu'elle l'a vu de loin. Donc la personne qui est en état de janaba, il doit s'écarter. Il doit s'éloigner de quoi? De tout ce qui lui est interdit. La prière, et d'autres choses. Et l'imam Shafi'i a dit, Al-Janaba, c'est le fait de se mélanger, Al-Mukhalata. Car Allah l'a appelé ainsi, car la personne, elle tombe en état de Janaba lorsqu'il a un rapport avec son épouse d'une manière générale. Yukhalituha, se mélange à elle. Alors qu'est-ce qu'il dit ici, Abdurrahman ibn Siadi? Il dit, Al-Janaba, c'est le fait que le sperme sorte. Et je dis bien sort. Parce qu'il y a une nuance entre le fait qu'il se déplace et qu'il sorte. Il faut qu'il sorte du sexe. Que ça soit à la suite d'un rapport ou non. Vous voyez bien comment ici l'auteur du livre est précis dans les termes. Car nous allons voir que la sortie du sperme ou le fait d'être en état de janaba n'est pas seulement lié à la sortie du sperme. Il peut être lié à autre chose. Et la sortie du sperme n'est pas seulement liée au rapport. Elle peut sortir par autre chose, comme un rêve érotique par exemple. Donc, il dit, la sortie du sperme, à travers, à la suite d'un rapport, ou à travers le rapport, ou par un autre moyen. Quelle est la preuve de ceci? Quelle est la preuve que la sortie du sperme met la personne dans un état d'impureté rituelle majeure, dans l'état de janaba? Quelle est la preuve de ceci? La preuve de ceci, c'est ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari ou al-Muslim d'après le verset, ou d'après le hadith de Ummi Salama, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a relaté ce qui suit. Elle a dit, Ummu Sulayn, sahabiya, al-Ansariya, radiallahu anha, est venue voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien ce hadith, il y a beaucoup d'enseignements. Cette femme est la femme, Ummu Sulaym, est la mère de Anas ibn Malik, mais c'est la femme de Abi Talha, Al-Ansari. Elle a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien la question, comment elle l'a présentée au prophète. Elle a dit, Ya Rasulallah, certes Allah n'éprouve aucune pudeur vis-à-vis de la vérité, n'a pas honte de la vérité. Est-ce que le lavage rituel est obligatoire à la femme dès lors qu'elle a vu un rêve érotique? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oui, seulement si elle a vu du sperme. C'est-à-dire couler. Pas dans son rêve, dans la réalité. Elle a fait un rêve érotique et elle a demandé la question suivante. Est-il obligatoire à la femme qui a vu un rêve érotique de faire les grandes ablutions. Et le prophète lui répond, oui, il lui sera obligatoire ceci, à la condition que, en se réveillant, ça c'est entre parenthèses, c'est sous-entendu, elle a vu du sperme. Non. Donc ceci est bien une preuve claire et nette que le sperme, en lui-même, nécessite, quoi? Les grandes ablutions. Je veux m'arrêter un petit peu sur ce hadith. Ummu Sulaym a posé une question qui, d'habitude, les femmes ont honte de poser ce genre de questions, surtout à des hommes. Elle s'est avancée pour le faire. C'est pour cette raison que Aïcha disait, radiallahu tabaraka wa ta'ala, je vous rappelle que Aïcha, ce n'est pas une femme des Ansar, c'est une muhajirat, une émigrée. Elle a dit, elle a fait un témoignage sur les femmes des Ansar en disant, il n'y a pas mieux que les femmes des Ansar. Il n'y a pas mieux que les femmes des Ansar. La pudeur ne les empêche pas d'apprendre leur religion. La pudeur ne les empêche pas d'apprendre leur religion. C'est-à-dire que cette question-là, d'emblée, d'une manière générale, les femmes ne la posent pas à cause de leur pudeur. Là. Mais elle, elle a posé cette question au musulman. Radiallahu tabaraka wa ta'ala anha, car elle était avide de science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu. Et ceci, c'est une qualité. Et c'est pour ceci que, dans les questions religieuses, il ne faut pas avoir honte de demander, même des choses personnelles. Non. Son mari, c'est Abu Talha, c'est celui qui a fait don de la chose qu'il aimait le plus. Pour être concerné par la parole d'Allah suivante, vous n'atteindrez jamais la piété jusqu'à ce que vous dépensiez ce que vous chérissez. Pour être concerné par cette parole, il a dépensé, il a donné fils à Billah la meilleure chose qu'il possédait, et ce qui lui était le plus cher, c'était un grand jardin, une palmeraie entière. Radiallahu anhu. Et quand il a voulu se convertir, cet homme, il est arrivé de loin comme ça, le prophète l'a vu, il lui a dit, Abu Talha vient à vous et la lueur de l'islam reflète sur son visage. C'est-à-dire, il vient pour se convertir à l'islam. Comment le prophète a été informé de ceci, Allahu a'lam, par la révélation ou alors par sa firasa, c'est-à-dire sa justesse des choses. Il voit les choses de manière juste. Sallallahu alayhi wa sallam. Ala kulli hal, que ce soit elle ou son mari, c'était des gens pieux et des sahaba, des compagnons qui étaient reconnus pour leur vertu et pour leur science. Non. Donc, barakallahu fikoum les frères. Déjà, premièrement, le fait que quand le sperme sort de l'homme ou de la femme avec avec force, ce qu'on appelle l'éjaculation, avec force et plaisir, ceci nécessite quoi? Les grandes ablutions. La preuve, c'est ceci. Aussi, Allah dit, tabaraka wa ta'ala, wa in kuntum junuban fattaharu. Et si vous êtes en état d'impureté rituelle majeure, alors purifiez-vous. Aussi, il y a le consensus des savants, qui est aussi une preuve en lui-même. Les savants sont unanimes pour dire que le sperme, lorsqu'il sort de cette manière, alors il nécessite les grandes ablutions. Dans le hadith que nous avons cité de Ummu Salama, il faut bien comprendre que l'obligation du lavage est conditionnée par la vision du sperme et non pas par le simple fait d'avoir fait un rêve érotique. D'accord ? Retenez bien ceci, je répète, l'obligation du lavage est conditionnée et liée par la vue du sperme et non par le simple fait d'avoir fait un rêve érotique. Autrement dit, une personne qui fait un rêve érotique, mais en se réveillant ne voit pas des traces de sperme, alors il n'est pas obligatoire de faire le lavage. Et contrairement, une personne qui n'a pas fait de rêve érotique, mais en se levant le matin, il voit du sperme qui est sorti, là, alors dans ce cas-là, il lui est nécessaire de faire le lavage rituel. Ça, c'est la première chose qu'a cité l'auteur du livre. La deuxième chose qu'il a cité concernant le fait de refaire ses grandes ablutions dans l'obligation, c'est lorsque il y a un rapport entre l'homme et la femme. J'ouvre une parenthèse ici. Même entre deux hommes. Bien que c'est haram. Hein, qu'elle nous en préserve. Mais même ça, ça nécessite. Ce sont des problématiques qu'ont exposées les savants. Hein. À la Kulihal, on va revenir dans la norme, Inch'Allah. Lorsque les deux sexes se rencontrent, ceci nécessite les ablutions majeures, à la condition qu'il y a eu pénétration. Je suis obligé de rentrer dans les détails pour que vous compreniez bien, Inch'Allah. C'est-à-dire qu'il faut que le sexe de l'homme soit caché par le sexe de la femme. C'est comme ça que les savants présentent la chose. Non. Car le simple toucher des deux sexes n'implique pas le lavage rituel. Le simple fait. Mais s'il y a pénétration partielle ou entière du sexe, dans ce cas-là, il y a obligation de refaire des ablutions majeures. Quand bien même il n'y a pas eu écoulement du sperme. C'est clair? C'est pour ceci que l'imam Abdurrahman ibn Saadi a classé ceci en deux points différents. La sortie du sperme, c'est une chose en elle-même, que ça soit à travers un rapport ou non. Et le rapport en lui-même, c'est une chose à part. Qu'il y ait sortie du sperme ou non, nécessite aussi des ablutions majeures. La preuve de ceci. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la personne a un rapport avec sa femme, c'est-à-dire concrètement il est sur elle, et que son sexe touche son sexe, le sexe de l'homme touche le sexe de la femme, alors il est obligatoire d'avoir recours au lavage rituel majeur, aux grandes ablutions. Dans une autre version de ce hadith, lorsque la personne est sur sa femme et qu'il fait l'effort pour qu'il y ait pénétration, alors il lui est obligatoire, quoi ? Al-Rusl. Les termes que j'emploie sont les termes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une version de ce hadith, il y a un rajout qui est tout aussi important, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand bien même il n'y a pas eu éjaculation. Wa yunzil. Quand bien même il n'y a pas eu éjaculation. On voit bien que cette histoire d'éjaculation n'est pas directement liée au lavage des ablutions. Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parle du lavage majeur dès lors qu'il y a eu pénétration. Barakallahu fikoum. Non. Que ça soit avec une femme licite ou à travers la fornication, le zina ou l'adultère. Peu importe. Que ça soit dans le halal ou dans le haram. Ceci nécessite dans tous les cas les ablutions rituelles majeures. Non. L'imam Sa'di, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, a dit, la communauté entière s'est mise d'accord et était unanime sur le fait qu'il est obligatoire de refaire les ablutions majeures par le rapport sexuel. Quand bien même il n'y a pas eu éjaculation, ou alors par l'éjaculation, quand bien même il n'y a pas eu de rapport, ou alors par les menstrues et les lochies, dès lors qu'elles sont interrompues, ou alors par la conversion d'un mécréant, etc., etc. Donc, Cheikh Saadi a ramené ici, a signalé qu'il y avait un ijmar, consensus. Et effectivement, il y a un ijmar sur ça. Il y a un hadith aussi que je vous ai cité en arabe, qui pourrait être mal compris. C'est un hadith qu'on trouve dans l'imam, dans le sahar de l'imam muslim, où, d'après la version de Abi Sa'id ibn al-Khudri, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-ma ou min al-ma. L'eau de l'eau. Ça ne veut rien dire faire ça en français. Je vais l'expliquer, Inch'Allah. L'eau, c'est-à-dire le lavage rituel majeur, est obligatoire à cause de l'eau, à cause du sperme. C'est comme si ici le prophète nous disait que le lavage rituel majeur n'est obligatoire que si il y a écoulement du sperme. Or, ce hadith-là, il est abrogé. Par quoi? Par celui-là qu'on vient de citer. Naam. C'est-à-dire le hadith où le prophète mentionne qu'il y a un rapport quand bien même il n'y a pas éjaculation. Le simple rapport nécessite lui aussi les grandes ablutions. Donc le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, le lavage n'est conditionné que par la sortie du sperme ou l'éjaculation du sperme, c'est un hadith qui est abrogé. Hein? Vous le trouvez, il est sahih, vous le trouvez dans le sahih de l'imam muslim, mais il n'est pas valide pour qu'on en tire des règles religieuses à lui tout seul. Hein? Il faut le recadrer avec les autres hadiths. Voilà la deuxième chose qu'a cité l'auteur du livre. La troisième chose, il cite le sang des menstrues et des logis. Alors, Inch'Allah, nous étudions, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, ahkam al-hayd wa nifas, c'est-à-dire les règles religieuses concernant les menstrues et les logis, dans deux, trois cours, Inch'Allah. Mais ce que vous devez savoir pour l'instant, c'est que, comme nous l'avions déjà vu, le sang des menstrues, comme le sang des logis, est impur. Ça, c'est déjà une première chose. Tous deux interdisent à la femme de prier. C'est-à-dire, dès lors que la femme a ses menstrues, il lui est interdit de prier. Si elle prie, elle commet un péché. Si elle prie volontairement, elle fait un péché et sa prière n'est pas acceptée. De même, la femme qui a ses logis. Qu'est-ce que sont les logis? Les logis, en fait, c'est du sang qui vient, d'une manière générale, juste après l'accouchement. Juste après. Ça peut durer quelques jours, jusqu'à 40 jours, même plus. De manière générale, c'est 40 jours. Ça peut venir aussi, des fois, juste avant l'accouchement de 2 ou 3 jours. Et c'est toujours accompagné de douleurs. C'est comme ça qu'on reconnaît les logis. Le sang des logis est sensiblement le même que le sang des menstrues. On verra tout ça en détail, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. À la kulihal, dès lors que ce sang s'arrête, dès lors que le sang des menstrues s'arrête ou le sang des logis s'arrête, il est obligatoire à la femme d'avoir recours aux ablutions majeures. Obligatoire. Il faut qu'elle se purifie. Car elle ne priait pas à cause de leur état d'impureté. Donc, dès lors que ce sang n'est plus là, la cause n'est plus là, donc elles sont obligées d'avoir recours aux grandes ablutions et de reprendre la prière et le jeûne. La preuve de ceci, c'est ce que dit Allah tabaraka wa ta'ala, et il t'interroge au sujet du mahid. Mahid, c'est quoi? C'est le temps des menstrues et l'endroit où elles sortent. C'est ça le mahid, dans le verset coranique. Et il t'interroge au sujet des mahid, c'est-à-dire au sujet du temps des menstrues et de l'endroit où elles sortent. Allah dit, « Kul huwa adhan, fa'atazilu nisa'a fil mahid. » Dit, c'est une souillure. Écartez-vous des femmes durant les menstrues et à l'endroit des menstrues. Hein? Écartez-vous, c'est-à-dire aucun rapport sexuel pendant qu'elles ont leurs règles. C'est-à-dire le moment où elles ont leurs menstrues, leurs règles, et à l'endroit où aussi elles ont leurs règles. C'est-à-dire dans, comme vous le savez, dans... pour vous faire un dessin. Ce qui est important à signer dans ce verset coranique, et c'est pour ça que je l'ai ramené ici, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَلَا تَقَرَبُوهُنَّ حَتَّى يَتَهُرْنَ. Ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles se purifient. Dès lors qu'elles se sont purifiées, alors allez à elles comme Allah vous l'a ordonné. Non. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des rapports avec elles. Donc ici, Allah nous parle de quoi? Nous parle d'une purification. C'est-à-dire qu'avant la purification, elles étaient en état d'impureté rituelle majeure. Dès lors qu'elles se sont purifiées, elles ont le droit de faire, l'homme a le droit de faire avec sa femme ce qu'il a le droit de faire, et elles doivent reprendre la prière et les obligations religieuses qui lui étaient interdites. Donc, فَإِذَا تَطَهَرْنَا, et lorsqu'elles se purifient, c'est-à-dire, et lorsqu'elles font le rousl, le lavage rituel majeur, ou les grandes ablutions. Non, obligatoirement. Aussi, nous avons le hadith de Aïcha qui a dit que Fatimata bint Abi Hubaysh a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: je suis une femme qui est touchée par les métrorragies. Al-istihada, c'est un écoulement de sang qui n'est pas le sang du menstrue, c'est un autre sang, c'est un sang normal, celui qui coule dans les veines. Non, il est rouge vif, alors que le sang des menstrues est plus foncé. Elle dit: je suis touchée par un écoulement de sang perpétuel. Et je ne peux pas me purifier. Est-ce que je dois délaisser la prière? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ce qui t'a touché, c'est une veine. C'est ça exactement l'istihada, c'est ça. C'est une veine qui a éclaté et qui occasionne cet écoulement de sang. Donc on est bien dans du sang qui coule dans les veines. Là. Puis il a dit, dès la prière, la période où tu es en état de monstru, puis lorsque cette période est révolue, ça dépend des femmes, 6 jours, 7 jours, ça peut aller jusqu'à 8 jours, 9 jours, puis dès que cette période est révolue, alors fartasili, et recours aux grandes ablutions et prie. Là, donc on voit bien que dès lors que le sang des menstrues s'interrompt, il est obligatoire à la femme d'avoir recours aux grandes ablutions. Un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou al-Muslim. Nous avons aussi un autre hadith, une autre version du hadith qui dit, lorsque les menstrues viennent, délaissent la prière et lorsqu'elles partent, c'est-à-dire dès lors que cette période est révolue, alors aient recours aux grandes ablutions et nettoie le sang qui est en toi et prie. Ça, c'est la version de l'imam al-Bukhari sur le numéro 306. Donc, il est obligatoire, au regard de ces hadiths et de ce verset coranique, il est obligatoire à celle qui a ses menstrues et à celle qui a été touchée et à celle qui a ses lochies à cause d'un enfantement, dès lors que le sang s'interrompt, d'avoir recours obligatoirement aux grandes ablutions pour se purifier. Puis ensuite, l'auteur a cité le lavage du mort, autre que le martyr. Effectivement, une personne, lorsqu'elle meurt, un musulman, lorsqu'il meurt, on doit le laver. On doit le laver. Ceci est conditionné par le fait qu'il ne meurt pas en martyr sur le champ de bataille. Mis à part ceci, on doit le laver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Qais ibn Asim, qui a voulu se convertir à l'islam, il lui a dit, si tu veux te convertir à l'islam, alors il va falloir que tu te laves à foin. Je dis n'importe quoi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à cet homme qui était tombé de sa chamelle. Et lorsqu'il est tombé, il est en train de faire le hajj en disant la talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala sharika lak labbaik. En disant la talbiya, il est tombé de sa chamelle, il en est mort. Il s'est cassé le cou, il en est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on le lave avec de l'eau et des feuilles de jujubier, cédar. Il a ordonné qu'on le lave. Sallallahu alayhi wa sallam. De même, nous avons le hadith de Umm Atiya, lorsque la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam est morte, savants divergent à savoir qui est-elle. Est-ce que c'est Umm Kulthum, qui était la femme de Uthman ibn Affan, ou alors Zainab, la plus grande des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était mariée à Al-As ibn Rabi'a. La Kulihal, ce qui est important ici, c'est ce qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit Umm Kulthum ou Zainab, ça ne change rien au statut juridique de la chose. Le prophète a dit à Sallallahu alayhi wa sallam, à Umm Atiya et au groupe de femmes qui allaient laver sa fille, lavez-la 3 fois, 5 fois ou 7 fois ou plus si vous voyez et si vous considérez que ceci est nécessaire. Le prophète a ordonné de laver le cadavre. Quant au martyr, le martyr, on ne le lave pas. On l'enterre dans ses blessures, dans son sang, car ce sang, inchallah, le jour du jugement, sentira l'odeur du musc. Car ce sang, le jour du jugement, sentira l'odeur du musc. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après la version de Jabir ibn Abdillah, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Jabir a dit, le prophète nous a ordonné d'enterrer les morts de Uhud, grande bataille de Uhud, dans leur sang, fi dima'ihi, et qu'on ne doit pas les laver, ni prier sur eux. Ça, c'est spécifique aux martyrs sur le champ de bataille. Quelque chose ici, avant de les enterrer, il faut enlever tout ce qu'il y a en fer. Il faut enlever leurs armes, s'ils ont des bagues, tout ce qu'il y a en fer, on l'enlève. Et on les enterre comme ça, inchallah. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, inna rajula yub'athu ala ma mata alayhi. L'homme sera ressuscité dans l'état dans lequel il est mort. Man mata mulabbiyan bu'itha yawm al-qiyamati mulabbiyan. ومن مات في جراحه في معركة الجهاد بعث يوم القيامة بهذه الجراحات. Celui qui meurt en disant la talbiya, il sera ressuscité, il sortira de sa tombe et il dira talbiya. Celui qui meurt comme ça, يوم القيامة, il sera ressuscité avec son habit de guerre, avec son attirail, etc. Non, c'est un charaf. La cinquième chose qu'a cité l'auteur du livre, c'est la personne qui souhaite rentrer en islam. Que ça soit un mécréant de base, qui a connu que la mécréance, ou alors que ça soit un apostat qui souhaite revenir dans l'islam. Qu'Allah nous en préserve. Alors, nous avons pour ceci deux hadiths, mais je ne vous cache pas que ceci est sujet à divergence. Entre l'obligation et la recommandation. Ceux qui voient qu'il est obligatoire à tous mes clients qui souhaitent rentrer dans l'islam de faire les grandes ablutions s'appuient sur deux hadiths. Le hadith de Qais ibn Asim qui, lorsqu'il a voulu rentrer en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de faire les grandes ablutions avec de l'eau et des feuilles de jujube. Hadith rapporté par Tirmidhi, Abu Dawud et authentifié par Cheikh Al-Albani. Nous avons le hadith aussi de Thumamata ibn Wafid qui était prisonnier de guerre. Puis il a essayé de gagner les faveurs et la clémence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, si tu me libères, alors tu trouveras en face de toi quelqu'un de reconnaissant. Et si c'est l'argent que tu veux, alors je te donnerai tout ce que tu veux. Il a essayé de gagner Inch'Allah sa clémence. Alors les sahabes lui ont dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce que tu as gagné en maintenant un homme comme ça prisonnier? Libère-le. Ah, ils l'ont libéré. Et il a voulu se convertir à l'islam. Et lorsqu'il a voulu se convertir à l'islam, le prophète lui a ordonné de faire les grandes ablutions. Sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est une preuve aussi claire que c'est obligatoire. Alors ceux qui disent que c'est seulement recommandé, ils argumentent en disant, ils avancent l'argument suivant. Ils disent que le prophète, lorsqu'il a conquis la Mecque, il n'a pas ordonné à tous les koufars de Quraysh qui venaient rentrer dans l'islam, il ne leur a pas dit de faire les grandes ablutions. Ça n'a pas été rapporté du prophète, qu'il a dit, celui qui veut rentrer dans l'islam, qu'il fasse les grandes ablutions. Alors ils disent, si c'était obligatoire, le prophète l'aurait dit à ce moment-là. Mais comme rien n'a été rapporté à ce sujet, donc on en conclut que ce qu'a dit le prophète à Qais ibn Asim ou Thumamata ibn Wathil, ce n'est que à titre de recommandation. Istahbab. Cheikh Al-Faymin, il répond à ceci. Il dit que ce n'est pas parce qu'une chose n'a pas été rapportée du prophète que cette chose n'existe pas ou qu'elle existe. Ce n'est pas parce que le prophète n'a rien dit ou que rien n'a été rapporté à ce sujet. Non, lorsque le prophète a conquis la Mecque, le prophète, selon ces gens-là disent, selon ces savants-là disent, le prophète n'a pas ordonné qu'ils refassent tous leurs grandes ablutions, car on n'a aucune preuve que le prophète leur a ordonné de refaire les grandes ablutions à titre personnel. Donc, puisqu'on n'a pas une preuve que c'est spécifique à eux deux, donc, on en déduit que c'est pour tous les musulmans. Et il dit que c'est quelque chose qui a été connu, tellement connu que le prophète n'a pas eu besoin de le citer lorsqu'il a conquis la Mecque. Wallahu a'lam, c'est la vie le plus authentique. Il y a aussi une chose que j'ai citée, j'en parlerai plus en détail, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, lorsqu'on étudiera le chapitre de la prière, notamment la prière du vendredi. Aussi l'obligation de faire ses ablutions, l'obligation de faire les grandes ablutions pour le Jumu'ah, pour la prière du Jumu'ah. Pour ceci, on a beaucoup de hadiths. On a ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari ou muslim, lorsque le prophète a dit à sa salam, lorsque l'un d'entre vous s'apprête à aller au Jumu'ah, qu'il fasse les grandes ablutions. Et on a un autre hadith où le prophète a dit, où il a été beaucoup plus tranchant. Il a dit, le lavage pour le Jumu'ah des grandes ablutions pour le Jumu'ah est obligatoire pour toute personne pubère. Non. Mais c'est un sujet à divergence là aussi, je ne veux pas trop m'étaler dessus. Cheikh Al-Albani ou Cheikh Al-Athaymin voient qu'il est obligatoire de faire les ablutions, de faire les grandes ablutions pour le Jumu'ah, alors que Cheikh Nobez considère que c'est mustahab en s'appuyant sur un hadith qui est authentique, mais ils ont divergé sur la compréhension du hadith. Où le prophète a dit à cette Salam, celui qui fait ses ablutions pour le Jumu'ah, alors c'est une bonne chose. Et celui qui fait le rousl, alors c'est meilleur. Donc ils disent, cher Ibn Baz et ceux qui voient cet avis-là, ils disent que, puisque le prophète Sassam a dit que celui qui fait ses ablutions, alors c'est une bonne chose, et celui qui fait le rousl, c'est meilleur, c'est comme si le prophète a laissé le choix à la personne. Non. Mais on peut répondre à ceci de plusieurs manières. Cheikh Al-Albani répond d'une manière, Cheikh Al-Athaymin répond d'une autre manière, Inch'Allah tabarak wa ta'ala. Je ne veux pas m'étaler sur ce sujet-là aujourd'hui, Inch'Allah tabarak wa ta'ala, mais j'ai voulu vous le citer car l'avis où il est obligatoire de le faire est quand même prépondérant et ça rentre dans ce chapitre. Pour finir, l'imam Hafid al-Hakami a cité ces vers de poème que je vous ai cité en arabe. Je vais faire une synthèse, Inch'Allah, en français rapide. Il dit, dans le sens de ce qu'il a dit, la sortie du sperme nécessite les grandes ablutions à la condition que ce sperme sorte avec vigueur, avec force. Il en est de même, c'est-à-dire d'avoir recours aux grandes ablutions, le simple fait d'avoir un rapport, quand bien même il n'y a pas éjaculation. De même, le fait d'avoir un rêve érotique à la condition d'avoir trouvé au réveil du sperme. Vous voyez que tout ce qu'il dit est empreint de science. Il se réfère qu'au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, les monstrues et les lochis et le fait de vouloir rentrer dans l'islam. Vous voyez bien que le Hafid al-Hakami ici voit que celui aussi qui rentre dans l'islam, il lui est obligatoire de faire les ablutions majeures. Aussi le mort, et ceci est venu par un texte clair, clair de sens. Par contre, il dit, mais l'obligation de refaire les ablutions pour celui qui veut rentrer dans l'islam est sujet à divergence et cette divergence est connue chez les savants. Car Jumhur et l'ulama, la majorité des savants, ne considèrent pas qu'il est obligatoire pour celui qui veut rentrer en islam d'avoir recours aux ablutions obligatoirement, aux grandes ablutions. Ils voient que c'est recommandé seulement. نقتفي بهذا القدر ونصلي ونسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم